Eh bien, écoute, moi le son il est bien, hein? Ah, il est pas mal, hein? Ouais, moi je sais plus jouer. Ah, ouais. Vas-y, joue toi. Et essaye de me montrer ton manche pour savoir si. Ah, bah, il doit pas y avoir de décalage, remarque. Attends, quand c'est comme ça, attends. Ouais, c'est pas mal. Mais est-ce que tu peux t'arranger? Ouais, c'est bien, hein. Yes, I do. Alors attends, est-ce que je vais augmenter un peu la taille de mettre ça. Mettre le manche en face de la caméra. Parce que de toute façon, après, c'est moi. Voilà. Donc là, du coup, alors attends. Bon, maintenant, hé, t'as vu mon manche, hein? Oh la vache. T'as un beau manche, tu sais. Alors, essaye de basculer l'écran. Peux, hein. Après, non, attends, je peux faire autrement, c'est de monter ma chaise, par contre. Essaye de basculer l'écran, parce que je le vois pas. Ouais. Je vais monter ma chaise. Alors, attends. Je vais imposer la guitare. Oui, parce que c'est un peu en bas. Et je vois que tu vois bien. Moi, je vois... Ouais. Oh, oh, oh, oh. Voilà, je vais m'en monter un peu, même beaucoup d'ailleurs. Ça, je vais m'en mettre comme ça. Voilà. Hop. Après, à tout le monde. Hé, regarde. Après, tu vois plus, hein. Tant pis, hein. Ça fait rien. Mal, ça. Je suis très mal accordé, moi, je pense. Alors, tu mets le capot où? Tu passes à... Vas-y, va. Attends, allez. Viens-moi. Vas-y. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal aussi. Ah. Oui, c'est bien. C'est bien. Hein? Je dirais que c'est à peu près pas mal. Ah, oh, c'est bon. Peut-être, hein. un tout petit peu haut. Un tout petit peu haut. Ah, c'est bon là, c'est bon là. Là, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Yes. Tu vois mon manche là? Ouais. Oui. Et quand tu te vois... Oui, mais le problème, c'est compliqué, Christian, parce que pour moi, ça veut dire qu'il faut que je remonte encore d'un cran, et là, je suis en haut sur la chaise au maximum, alors... Donc, après, c'est mon bureau qui est un peu haut, tu vois. Bon, on s'en fout de voir le manche de l'autre, si, c'est important. Ah, si, peut-être un peu pour toi, peut-être... Attends, ça... Bon. Bon, ça fait rien. Bon, c'est perfectible. Ouais, t'as raison, c'est toi, je te vois bien, mais... comme ça, tu vois, mais après, moi, je ne tiens pas comme toi, mais bon, pas comme ça, mais... Non, c'est pas important. Bah oui. baisser ça, ça sert à rien. Voilà. D'accord, très bien. Alors toi, tu... Attends, ah, tu vois, ben non, on n'est pas en full duplex, hein. Vas-y, vas-y, joue, vas-y, joue. Ça commence tout, mais c'est pas mal, mais ça... Tu m'entends, Philippe? Ah, tu m'entends là? Allô? J'entends plus rien. Allô? Ah, oui, mais attends, voilà le problème. C'est qu'en fait, est-ce que... Bon, attends, je vais couper et je joue la guitare, est-ce que tu m'entends? Voilà, ça y est, je t'entends à nouveau, là. Bon. T'entends rien? Tu entends rien? D'accord. Donc c'est un problème avec Ninjam en fait. Attends. Il y a un souci là. Parce non. Qu'en fait, tu m'entends pas. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait. Je sais. Passe. Je sais que c'est. Qu'en fait, moi, j'ai pas coupé le microphone de Skype. Du coup, je croyais qu'on passait par Ninjam. Est-ce que toi, t'as coupé, est-ce que t'as coupé le microphone de Skype? Ah ben voilà. On passe pas Skype, c'est merveilleux. Oui, d'accord. Donc, mais, coupe le micro de Skype une seconde là pour qu'on se parle. Non. Vas-y voir. Parle-moi maintenant, vas-y. D'accord, ok. Donc on passe par Skype. Ça y est. Maintenant je te parle. Tu me parles là? Vas-y. Bah, moi j'ai coupé le micro de Skype. Ouais, alors je t'entends mais très peu. Oui. Alors, ok, d'accord. Monte ton niveau alors. Tu m'entends? Très peu. Ah, alors attends, je vais retourner sur Ninjam et puis je monte. Je suis à 59, de moins 59 dB, donc je passe à... Tu es à combien, toi? Je suis à plus 0 dB. Je suis à moins 30 dB. Bon, j'ai monté en encore, là. T'es à combien, là? Bon, je m'y mets aussi, alors. Est-ce que tu m'entends bien ou pas, là? Ah, voilà, ouais. Là, je suis à... Oui, je t'entends bien. Maintenant, je t'entends mieux. Je suis à 0 dB, là. Voilà. Bah, je suis à plus 1 dB, bien. À 1 dB 6. Je vais être à 2 dB. Et j'ai mis le niveau de mon parleur au maximum. Allô, tu m'entends? Non. D'accord. C'est bon, tu m'entends là? Allô? Oui, est-ce que oui, tu m'entends? Je vais couper un truc pour oui, voir. Je t'entends. Hein. Tu m'entends là ou pas? Oui, je t'entends. Non, oui, je t'entends. Oui, oui. Bon, d'accord. Adocal chez moi, je sais que c'est ça. Oui, je t'entends toujours. Oui, je t'entends toujours. Très bien. Alors, bon, maintenant je t'entends bien, j'ai un écho pas possible, mais je t'entends. Non, je t'entends plus. Vas-y, parle. Moi, j'ai l'impression que j'ai deux sources de... Moi aussi, un écho pas possible. J'ai deux sources sonores. Je dirais pas que c'est un écho, je dirais que c'est deux sources. Bon. Allô, tu m'entends? Et pourtant, ouais, je suis le... Oui, en fait, je t'entends. T'as vu dans le. Et sur Skype, c'est bien désactivé. Oui, moi aussi. Après, j'ai un. Alors, attends, il y a un encadrement qui s'appelle local channels. Et alors, tu as deux channels, un défaut. Alors, tu as. J'ai plaisir parce que, en fait, alors, voie gauche. Ah, attends, il y a peut-être gauche, voie droite. Alors, regardez, c'est gauche-droite. Left, left, left, je vais mettre right. Tac. Allô? D'accord. Est-ce que tu veux passer? Alors, regarde bien voir sur la fenêtre Ninja. T'as dans l'encadré qui s'appelle Local Channel, Channel en français, hein, tu as Oui. deux voies de transmission en fait. Et il y en a une qui est marquée left, c'est la gauche, et en dessous c'est marqué également left. Alors passe-la en right. Comme ça on aura, à mon avis, le stéréo, alors qu'on n'avait pas. Tu vois. Je suppose. Hein. J'ai Ouais. Ah, left. Tu vois, Ça y est, left et right. left. Je te parle en anglais, tu Qu'est-ce que comprends tu veux que je pas. te fasse avec Eh left? ben, le left du haut, tu le laisses, et tu mets le left du bas, tu le passes en Oui. right. Du coup, je pense qu'on aura les deux canaux, tu vois. Ah, voilà. Ok. Ah, bon, non, ça va pas, je m'entends à mort. C'est pas normal. Allô? Tu m'entends bien, là? Allô? Tu m'entends? Oui. Moi, je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends? Oui. J'ai mis le niveau. Alors, le deuxième canal, Attends, bouge pas. je l'ai Et carrément éteint. là, et là. Voilà, le deuxième canal, en fait, j'ai carrément éteint pratiquement. Allô? Allô, tu m'entends? Allô? Oui. Allô? Oui. Bon, vas-y, essaie de parler tout le temps, là, pour Il est à l'instant. combien? Raconte-moi des choses. Ce que tu veux, dis-moi quelque Oui. chose. Quand tu vas parler, Je s'il te parle plaît. tout le temps, je parle tout le temps. Je parle tout le temps, mais Parle tout le je peux temps. te dire que Bon, je ok. vais essayer de parler tout le temps. Mais ne me dis pas laisse-moi parler, bordel de C'est merde. bon, c'est bon, c'est bon. Et alors, T'énerve pas, c'est bon. c'est extrêmement désagréable. C'est extrêmement désagréable C'est d'entendre bon. deux Christian en même temps. C'est très Alors dur. là, c'est très. Ah, bah déjà, hein, C'est de la torture, c'est de la c'est clair. Ah, bah torture. non, mais je te comprends, c'est bon. Ça va pas durer trop longtemps, t'inquiète pas. Bon, j'ai pas compris à quoi ça sert en fait ces deux channels, parce que en fait, quand tu les mets en solo ou en mute, ça te coupe les deux. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas. Alors, on va faire comme ça parce qu'on connaît pas trop le mode d'emploi, donc du coup, ça fait un peu. Transit. Je regarde ici, mute user, je sais pas si je fais ça. Allô, allô, allô, tu m'entends? Alors, Non, je t'entends recording. bien, ça change rien. New Après. chatting. Mais je pense qu'on fait pas de recording, hein, c'est pas. Ah voilà, il y a Philippe et Christian. Ah ben voilà, regarde. En dessous, ah oui, t'as deux voix dans le remote channel, Oui. donc ça veut dire canaux éloignés, en fait, ça veut dire. À distance, ça veut dire, hein. Remote channel, c'est le canal distant. Tu peux choisir apparemment des. Allô? Tu m'entends? Allô? Allô? Allô? Ah, allô? Ouais. Allô? Mais je t'entends plus. Oui. Oui. Merde, ce que j'ai fait, bon, c'est la peine. Oui. Philippe? Allô? Oui. Allô? Bon, là je Oui. t'entends parce que j'ai mis le microphone Oui. Skype. Vas-y, Ah. parle. Moi, je t'entends toujours. Bien, je t'entends bien, là. Impeccable. Oui. Alors maintenant, j'essaie de jouer. Il y avait Oui. Philippe et Christian. Quand Ah, tu prends oui. la fenêtre Remote Channels, là, tu as les deux canaux qui nous concernent. Je pense qu'on doit. Voilà, et là on peut Oui, jouer, à mon je avis, sur l'ai. chacun d'entre nous, on peut régler peut-être l'intensité, niveau, machin, chaud, d'accord? Voilà, bon, je vais baisser un peu le mien. Alors tiens, je vais essayer de voir un peu pour voir ce qui se passe. Vas-y, les causes. Cause! On cause encore. Allô? Ouais, je cause, ça y est, je Allô? cause. Allô? Je t'entends Voilà, je plus. cause. Allô? Oui, je cause. Allô? Ça y est, je Allô? cause. Vas-y, cause. Tu m'entends? Tu m'entends? Allô? Oui. Est-ce que tu m'entends? Ah bon, ça y est, attends. Tu Bon, on m'entends? peut peut-être Est-ce que jouer tu un peu m'entends là. là? Alors, toi, t'es à plus Là, tu 0,3 dB m'entends? et moi, je me suis mis à plus à moins Là, 9. tu Alors, m'entends? ouais, c'est bon, je t'entends bien, même d'ailleurs. Ouais, je pense, c'est Oui. bien. Tu m'entends bien ou pas là? Oui, impeccable. Oui, je t'entends. Je t'entends, bordel de merde. Ah, bah attends, c'est normal si tu m'as coupé Skype. Elle est pas possible. Allô? Allô? C'est difficile. C'est bon, difficile parce que j'entends un Christian qui parle et j'entends un Christian qui parle et j'entends. Et j'entends un Christian qui parle deux minutes avant. Alors je sais pas qui est celui qui parle avant, ouais. Et qui est celui qui parle après. Comment? Tu dis? Derrière, ouais. Ouais. C'est celui qui parle avant, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. C'est comme dans la vie, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. C'est comme dans la vie, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Donc c'est le premier. Voilà. Donc là, je reçois seulement. Non, normalement, ça devrait pas fonctionner comme ça. Ça devrait pas fonctionner comme ça. Alors lui, je n'entends plus. Ah d'accord. Ah ouais, eh ben c'est pas mal hein. Oui, je t'entends. On essaie de se faire un petit. Bon, on va essayer de faire un petit sud pour voir. Bah oui. T'as mis ton capot où? T'as encore bougé ton capot? On y va? On y va deux jours? Allez. T'es ready? Allez, 1, 2, 3. Alors je suis en quatrième case. Quatrième case. Oui. C'est bon? Ouais. Oui, c'est ce que j'ai vu, oui. C'est ce que j'ai vu, oui. C'est ce que j'ai entendu dans un premier temps. Oui. Il faut pas se fier à la vidéo du tout, hein. Bon, Fifi, faut pas se fier à la vidéo du tout, hein. Bon. Attends, j'essaie de remettre le Skype en même temps pour voir. D'accord. Allô. Allô. Moi, je. J'entends plus. Moi, je me fie à ce que j'entends. Je t'entends pas. Allô. Ouais. Oui. Allô. Oui, tu m'entends pas? Ah. Toi quoi? Tu m'entends? Ah oui, voilà. Tu m'entends pas? Parce que la vidéo, c'est pas bon. Hein. On est complètement décalé. Hein. Si, je t'entends très bien. Tu m'entends pas? Mais la vidéo, c'est pas bon. Moi je t'entends. Ah oui. Si, je t'entends. Tu m'entends? Allô. D'accord. Allô? À l'huile? Ah ben oui, ben moi je t'entends pas. Si, je t'entends très bien. Ben alors pourquoi tu... Mais c'est marrant, il y a un... Oui. Il y a un super décalage avec la... On y va ou on y va pas, on y va pas bon oui. Tout, là. Ouais. Hein? Ah, impeccable. Ah, voilà, là, très bien. Là. Tu m'entends bien, là? Bah, moi je. Attends, on fait le point. Ouais, je remets aussi parce que ça va pas. On fait le point. Allô? J'ai remis le son de Skype. Ouais, moi aussi. J'ai remis le son de Skype. Bon. Moi, je me fiais pas à la vidéo jouer. Je me fiais à ce que j'entendais. Ah, attends. J'ai coupé une jambe parce que j'entends, voilà. Je t'entends parler, mais je 30 secondes tout. Après au moins, quoi. Je vais mettre en mute. Allô, voilà. Allô, tu m'entends? Alors, le Skype, pur. Parce que